Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert. Sur RQC. Eh bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30. Scream pour l'émission Backstage. On va rester chaud, au chaud chez soi, hein, si vous êtes déjà en vacances, car il fait qu'à peine 3 degrés. Mais je vous dis déjà, dans vos petites transistors ou sur vos bornes Wi-Fi, vous écoutez la musique via Internet, ça va piquer très fort aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à faire un hommage aux Berlinois pour le drame qui s'est passé, comme on le fait aussi pour tous les autres pays. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un backstage live sur un groupe. Je vais vous faire découvrir ce groupe par la suite, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va piquer très fort. D'abord, écoutez un titre, puis je vous présenterai ce groupe comme on fait à l'habitude. Voilà, donc le live aujourd'hui est consacré au fameux groupe allemand Rammstein, qui est l'album live qu'on s'est commencé à écouter en long et en large pendant une heure. C'est le Live aus Berlin, sorti en 1999. Alors, ben, le surnom, c'est R+, hein, Rammstein Flugenschen. C'est un groupe allemand, hein, fatalement. Et c'est un genre musical industriel, metal, la New Deutsche Härtel, et c'est formé depuis 1994 sur le label Motor Music Universal /London Polygram. Rammstein a son site officiel, donc c'est rammstein.com. Le groupe est composé de Till Lindemann, Richard Sven Krupst, Paul H. Lender, Olivier Olli Rierbel, Christophe Doom Schneider et Dr. Christian alias Flake Lorenz. Alors, si vous voulez savoir un peu plus sur Rammstein, c'est bien assez simple. Rammstein est un groupe de métal industriel allemand, originaire de Berlin, formé en 1994. Il se compose depuis le début de 6 membres originaires d'Allemagne de l'Est, décrits comme appartenant du genre Neue Deutsche Art. Il est le représentant le plus connu. Les paroles du groupe sont la plupart du temps en allemand. C'est d'ailleurs le groupe germanophone le plus vendu dans le monde, avec près de 20 millions d'albums vendus. Mais elles intègrent parfois aussi des paroles en anglais, en français, en espagnol ou encore en russe. Connu pour ses concerts multipliant les effets pyrotechniques et des mises en scène créatives, Rammstein recense en date de 2014 6 albums studio dont la musique est souvent considérée comme du métal industriel, mais sa classification exacte est discutée car elle intègre également de fortes influences de la musique électronique, du rock ou même de la pop. D'autant qu'elle a beaucoup évolué au fil des albums. Elle connaît le succès international depuis son deuxième album, Schönschüns, en 1997, et réalise même par la seconde fois une tournée mondiale entre 2009 et 2011 pour son sixième album, Liebe ist für Alda. Je m'excuse, moi j'ai pas fait de l'allemand, donc pour moi c'est pas évident du tout. Ce succès se voit cependant accompagné dès le début de polémiques, notamment d'accusations associant le groupe au nazisme en raison du rapprochement supposé de son imagerie, ce qui est également le cas du groupe slovène Layback, dont il s'inspire, et d'accusations d'incitation à la violence liée à la fusillade du lycée de Colombine. Rammstein a toujours nié fermement tous les liens avec n'importe quelle forme de racisme ou tout soutien à la violence, se définissant avant tout comme des artistes ne cherchant aucunement à faire passer quelconque message. Il est généralement admis que les controverses relèvent plutôt d'un goût plus pour la provocation et d'interprétation, malheureusement, que d'un contenu idéologique. Je vous parlerai ensuite de l'origine du nom, parce que c'est assez marrant quand même d'avoir pris ce nom, Rammstein. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est vrai que quand vous allez voir ce groupe en concert, bah, vous en prenez plein les mirettes, même loin de la scène. Avec les pyrotechnies, les lance-flammes et tout, ben sincèrement, waouh, on en prend plein la tronche et on bronze, comme on dit. C'est pour ça d'ailleurs que ce groupe a dû passer toutes et toutes des diplômes de pyrotechnicien, ce que des gens ne savent pas forcément, et ont des places bien précises à un certain moment sur scène, et aucun des musiciens, aussi bien du chant ou quoi, ne peuvent improviser un solo un peu plus long de quelques secondes, des paroles un peu plus longues ou quoi, parce que il y a tout qui se met en place et ça risque de poser de gros gros problèmes et d'accidents. Alors, on va continuer le deuxième titre avec Du Hass. Le premier titre, bien entendu, c'était Rammstein, comme vous avez pu le deviner, je suppose. En couleur, en concert, sur RQC. Du Hass. Voilà, donc c'était Do As, le deuxième titre qu'on s'écoute de cet album, donc Backstage Live, Live aus Berlin de Rammstein. J'ai oublié de vous dire aussi, maintenant, quand Rammstein vient se produire en concert, c'est pas moins de 8 semi-remorques transportant le matériel pour vous dire, quoi. Donc nous, et quand on prend des photos de ce groupe sur scène, ben, je vous dis pas, on a des places bien spécifiques à prendre pour ne pas se faire cramer. Voilà. Alors, les origines du nom. Le nom du groupe provient de la ville palatine de Rammstein, près de Kaiserslautern, en référence à la catastrophe aérienne de Rammstein survenue lors d'un meeting aérien sur la base aérienne américaine de Rammstein en 1988, durant lequel 70 personnes trouvent la mort et 346 autres sont blessées. Les membres du groupe écrivent une chanson sur le thème en l'intitulant Rammstein, donc c'est la chanson qu'on a écoutée d'ouverture. Paul Landers, Christoph Schneider et Christian Lorenz pensent alors appeler le groupe Rammstein Flugschen, meeting aérien de Rammstein en français. Contre l'avis des trois autres membres, le groupe opte finalement pour le nom de Rammstein et décide d'enlever le Flugschen, le M est doublé au départ par inadvertance, mais le groupe décidera plus tard de garder cette erreur, comme le raconte un peu plus tard Paul lors de nos voyages avec Feeling B. Schneider, Flack et moi avions déjà le nouveau nom du groupe. Nous avons écrit sur le capot de notre Hello, marque automobile très répandue dans l'ancienne Allemagne de l'Est, Rammstein Flugschen. Nous avons été idiots. Nous avons écrit Rammstein avec deux M, car nous ne savions pas que le lieu Rammstein avait un seul M. Nous avons ensuite indiqué cette bêtise, mais le nom est resté collé à nous comme un surnom que l'on ne trouvait pas bon. Nous n'avons ensuite plus essayé de nous en débarrasser. Nous ne voulions pas nous appeler Rammstein. En fait, cela nous était destiné. Nous avons également essayé Milchley ou Mother, mère, mais le nom est finalement resté. Alors après, je vais vous parler un peu de la biographie, comment ce groupe s'est rencontré. Parce que de ce côté-là, c'est assez marrant, c'est assez dur de faire de la musique. Et vous allez voir, c'est assez marrant. Donc, si Rammstein, ils viennent près de chez vous, hein, c'est au Graspop, si vous désirez, cette année, prenez au moins votre ticket pour cette journée, allez les voir, ça vaut vraiment, vraiment le détour. Rien déjà pour les yeux. Bon, on aime peut-être pas trop le chant allemand, je peux vous comprendre. Moi-même, j'ai dur, car c'est une langue dure, comme on dit. Hein, mais question et fait, c'est extraordinaire. Alors, on va s'écouter un troisième titre qui s'appelle Durich So Good, So Good, si vous voulez. Et ce que je m'amuserais aussi à faire, c'est que, comme le groupe est souvent considéré de polémique pour ses points de vue racisme, ses paroles dans ses chansons, ses interprétations et tout, et bien moi je vais m'amuser à le faire. Ben je vais le faire même maintenant. Hein. Donc on a passé d'abord Rammstein, qui est référence à la catastrophe aérienne, comme je vous l'ai dit. Après on a passé Du As, qui veut dire tu as. Et là on va s'écouter Durich So Good, tu sens si bon. C'est ce que ça veut dire en français. Je vais m'amuser à vous faire comme ça les traductions. Ce n'est pas moi qui traduis, bien entendu. C'est fait à l'avance, car je n'ai pas fait d'allemand, comme je vous l'ai dit. Allez, Durich So Good, bah, si vous sortez bon, c'est bien, vous sortez de la douche. Ou sinon, bah, si vous sortez pas bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, je rigole. Allez, c'est parti. Backstage, les coulisses du son. Ich bin nicht Et oui, tu sens si bon, Dulrich, so good. Alors, la biographie, ben voilà, on va s'écouter, on va découvrir un peu plus sur ce groupe hein, qui est Rammstein. Avant de former Rammstein, les six membres du groupe jouaient dans des groupes séparés. La musique de cette époque était le seul moyen d'exprimer sa rébellion contre le pouvoir communiste. Les futurs membres de Rammstein se connaissaient déjà vu la faiblesse des nombres de groupes. De plus, il est inconcevable à l'époque de réaliser une carrière dans la musique. Tous les membres devaient avoir un métier pour continuer de faire de la musique. Richard Krups, après s'être exilé à Berlin-Ouest, part vers l'Europe de l'Est où il fonde le groupe Orgasm Death. Gummick Oliver, alias Oli Ribble, joue avec à cette époque dans le groupe de crossover The Ectobuckendable, alors que Till Lindemann était batteur dans un groupe de punk First Arch. Richard Sven Krups, de retour à Schwerin, retrouve-t-il et tente de le convaincre de devenir chanteur dans le groupe qu'ils sont en train de créer avec Oli. Ils partent ensemble en voyage aux États-Unis. Ce qu'ils trouvent enrichissant musicalement, c'est à cette époque qu'ils décident de se démarquer par un chant en allemand. Les trois comparses rencontrent ensuite Christoph Doom Schneider, batteur de Die Firma, puis de Feeling B dans ce qu'ils allaient devenir Rammstein. Feeling B est aussi l'ancien groupe de Michael Robert Reins, le leader d'In Extremo. Même si leur musique a évolué dans des registres différents, Christian, donc alias Flack, Lorenz, Paul H. Landers et Michael restent amis. Le 19 février en 1994, le groupe, seulement composé de Richard, Till et Doom et Oli, gagne le concours organisé par le Sénat de Berlin pour le groupe débutant grâce à 4 démos enregistrées sur une cassette contenant Rammstein, Allo Allo, Du Alt Lieb, Seemann et Wind bin ich fröhlich. Le groupe s'est ainsi vu offrir une semaine d'enregistrement dans un studio professionnel. Après leur victoire, ils proposent à Paul de rentrer dans le groupe qu'il accepte presque aussitôt. Ils ont en revanche plus de mal à convaincre Fleck de se mettre au clavier car il n'y voyait aucun intérêt particulier, mais il se laisse finalement tenter par l'idée d'un groupe chantant en allemand. Bien qu'il soit membre d'un groupe depuis le premier album, il se plaît à dire qu'il n'a jamais réellement dit oui. Ils font une rencontre déterminante pour leur carrière à la fin de l'année 1994 lors d'un concert au Knack Club à Berlin en la personne d'Emmanuel Feilig, leur futur manager. Il est d'ailleurs considéré par beaucoup comme le 7e membre du groupe car il joue un rôle déterminant dans le déroulement des shows et dans l'image qu'a su imposer Rammstein au grand public. En 2001, le groupe est au sommet de son succès avec son album Mother. Et en effet, le groupe enchaîne les tournées, les clips, les bandes originales de cinéma, entre autres Triple X et d'autres. Cependant, une crise profonde s'empare du groupe qui est à deux doigts de se séparer. En effet, l'hégémonie de Richard au sein du groupe est de plus en plus grande et de plus en plus mal vécue par certains membres du groupe, surtout par le batteur Doom qui est celui qui réagit le plus durement. Les reproches venant surtout du fait que les enregistrements ne se faisaient plus à 6 mais que les guitaristes composaient chez eux et sans que les autres membres puissent critiquer leur production. Les deux hommes ont eu une rencontre décisive à New York où Richard s'est installé et le groupe s'est remis sur un projet à 5 sans Richard, qui s'occupait de son projet solo Emigrate. Peu de temps plus tard, Richard est revenu en Allemagne afin de rejoindre le groupe pour une dernière répétition qui s'est révélée magnifique aux yeux de tous. En décembre 2010, lors d'un concert à Santiago au Chili, il joue pour la première fois Te quiero puta. Le morceau clôture d'ailleurs le concert le 6 novembre 2011 à Bratislava, Slovaquie, donc début de la tournée Made in Germany qui viendra promouvoir la sortie de l'album du même nom, une sorte de best-of regroupant des titres de 1995 à 2011. Le choix de Bratislava pour commencer la tournée n'est pas un hasard. Rammstein, n'ayant pas joué en Slovaquie lors de la dernière tournée Liebe ist für Aleda. Cette tournée comptera pour la fin d'année 2011 pas moins de 26 dates en Europe, dont une en France, ainsi que 21 dates dans l'année 2012, dont un retour pour la France pour deux concerts à Paris-Bercy. Les États-Unis et le Canada ne sont pas en reste avec une vingtaine de dates prévues en avril et en mai 2012. Voilà. Il faut savoir aussi que cet été, Rammstein était présent au Hellfest et à Paris où nous y étions. Donc, nous en avons pris plein les mirettes, les loulous. Alors, on va s'écouter un quatrième titre avec Buck Dish. Buck Dish qui veut tout simplement dire baisse-toi. Donc, voilà. Je vous laisse. À votre imagination. En couleur, en concert, sur RQC. Rück dich! Voilà un titre donc, je vous laisse imaginer, ça s'appelle Bug Dish, ça veut dire baisse-toi, voilà, je n'en dis que ça, maintenant c'est à vous de découvrir ce que cela veut dire. Alors, on poursuit. Donc, comme on est dans le live, je vais vous parler un petit peu de la scène, hein. Rammstein et la scène, c'est un groupe de scène aussi. C'est surtout ça qu'il faut voir dans Rammstein, non ? Et la scène, ils ont commencé dans des clubs, hein. Et bien, la scène a beaucoup évolué. Bon, je vais vous donner quelques informations comme ça, hein. La tournée, par exemple, Raise demande de plus en plus de matériel, entre 10 et 13 semi-remorques. Donc, vous voyez, quand j'ai dit 6 ou 8, j'étais loin du compte, hein. Sont nécessaires pour le transport selon les concerts de la tournée, ou encore davantage pour la tournée en 2011. En fond de scène, le groupe prend l'habitude de tendre d'immenses draps illustrés formant un décor scénique. Ce fond de scène évolueront au cours des années. Cette année, par exemple, c'est un décompte numérique pour commencer la tournée. Sur Raise Tour, pour le titre Rammstein, Till quitte son manteau enflammé pour un exosquelette lui permettant, grâce à deux bras articulés, de délivrer d'énormes flammes sur Man Till, pendant que Fleck se cache dans un chaudron en fonte. Till met le feu au chaudron via un lance-flammes lors de la tournée 2011-2012. Made in Germany, Till commence à griller Flag avec le lance-flammes classique avant de le poser et d'en attraper un... une ou deux fois pendant une chanson. Cette tournée est également l'occasion d'utiliser une structure de scène conçue entièrement de gris. La multitude de projecteurs disposés sous la scène peut donc transpercer le sol pour éclairer vers le haut. Le sol de cette scène est également truffé de nombreuses lance-flammes et de marmites dont les flammes passent également au travers des grilles et semble donc sortir du sol à quelques mètres de seulement des musiciens. Cette énorme structure scénique, un kit est remplissant à eux seuls plusieurs semi-remorques, ne peut être utilisé et installé dans l'intégralité de certaines salles. Donc, c'est, dans ces cas précis, les musiciens jouent sur des scènes de lieux, des effets pyrotechniques et du sol étant disposés en avant-scène dans de nombreux projecteurs étant aussi réduits. Donc, ils s'adaptent aux structures des salles, bien entendu, hein. Sur la tournée Liebe ist für alle da, les nouveaux effets font leur apparition. Au début du concert, un mur noir est détruit à coups de hache ou de guitare par les musiciens qui apparaissent alors dans une lumière blanche à contre-jour. Till s'élève sur une petite plateforme d'environ 6 ou 8 mètres de hauteur dans laquelle il verse une pluie de feu sur une baignoire en contrebas dans laquelle est allongé Flack. Till porte une paire d'ailes métalliques qui se déploie et lance des flammes sur Engel. Sur la chanson Pussy, un énorme canon ressemblant à un pénis lance à plusieurs mètres dans la fosse une mousse et des confettis aux couleurs de l'Allemagne qui envahissent le public lors de chacune de la chanson Benzine. Un cascadeur quitte la fosse pour monter sur scène. Till l'enflamme, des poupées avec des lasers verts représentant des bébés descendent au-dessus de la scène en explosant à la fin de la chanson Wiener Böller. Voilà, donc c'est tout ce genre de choses que vous voyez en concert de Rammstein. Le prochain titre qu'on va s'écouter, ben, je vais d'abord vous le faire en français, hein, parce que ça, en anglais, en allemand, ça va être vraiment chaud patate. C'est Voulez-vous voir un lit en flammes? Alors, en allemand, c'est World Ears Das Bit in Flammen Sehen. Je m'excuse, j'ai pas fait d'allemand du tout. Allez, mais par contre, c'est parti. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. Voilà le titre, donc All Ear Das Beats in the Flammer Sheehans. Donc, comme je vous disais, voulez-vous voir un lit en flammes? Alors, on sait un peu moins des collaborations de Rammstein. Et ben, voilà, donc vous saviez que maintenant vous allez le savoir plutôt. Victoria First enregistre les chœurs sur de la chanson Moscow. Le groupe avait initialement envisagé d'enregistrer avec le groupe russe Tattoo. Sur l'album Rosenroth, Charlene Spiteri du groupe Texas enregistre un duo anglais-allemand, Strip Nich Vor Mir, Don't Die Before I Do. À la fin de tous les concerts du Raise Tour, le groupe quitte la scène sous la reprise de Engel par la chorale féminine belge Scala et Colacny Brothers, regroupant plus de 200 choristes et ayant un répertoire tourné vers le rock. Voilà, des Belges là, comme ça, sur scène, ça fait plaisir quand même. Il y en a plein des choses à savoir dans les collaborations avec donc Rammstein. Une petite chose à savoir aussi, c'est que vous saviez que Rammstein et le cinéma, ils sont partout quand même. Hein. Ils ont fait sur Mortal Kombat 2, Resident Evil Apocalypse, Lost Highway, Triple X. Franchement, ils sont un peu partout dans le cinéma. Et alors, dans ce qui était insolite aussi, c'est que le groupe a décidé de chaque fois sur leurs albums de faire 11 titres. 11 titres, c'est le porte-bonheur le chiffre porte-bonheur du groupe. Il y a même aussi Matrix dans le cinéma. Je vous parlerai en deux secondes en vitesse du contenu du live. On va s'écouter Épouse-moi. Moi, voilà, épousez-moi si vous avez envie. Heirat mich de Rammstein. On se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Was sieht ihn die Kirche schleichen? Seit einem Jahr ist allein. Die Trauer nahm ihm alle Sinne. Schläft jede Nacht bei ihrem Stein. Right Mich, c'était donc le sixième extrait qu'on s'écoute du Live aus Berlin de Rammstein. Alors, le Live aus Berlin est l'enregistrement d'un concert du groupe du métal allemand Rammstein donné à Wallhead à Berlin le 23 août 1998. Il est sorti le 30 août 1999 en CD et le 13 septembre 1999 en VHS et le 26 novembre 1999 en DVD. Les différentes éditions sont les suivantes. Ben voilà, je vais vous les dire, les différentes éditions, si vous voulez vous les procurer. Il y a un CD 15 titres, deux CD édition limitée 18 titres plus pistes multimédia, VHS DVD censuré sans bug dish, vous savez pourquoi, la VHS non censurée avec bug dish. Voilà, voilà, donc c'était le backstage live in aus Berlin de Rammstein. Nous on va se quitter avec un petit hommage donc pour les Berlinois avec le titre Engel, donc ce qui signifie tout simplement ange, dû à tout ce qui s'est passé avant-hier à Berlin sur le marché de Noël. Voilà, peace à vous les Berlinois. Et on se quitte avec Angel de Rammstein. En couleur, en concert, sur RQC. débat, des infos, des invités.